Prends ta vie là. Danse avec moi. moteur, il est bloqué. Cette saloperie d'ordinateur. Allez, putain d'ordinateur. Ouais, j'ai tout bloqué. Copier ça. Ça coupe pas là, c'est bon ? Bon, j'y vais. Thank you. toujours filou. Allez, filou, chante avec moi. La zizia, ta couleur, tu vois, tu me vas. Danse avec moi. Pas un problème pour moi. Oh, oh.